Ok, un. Scribe, yeah, ok, ok, un, yeah, un. Ça fait un. Le moral dans les chaussettes, rien de bon dans ma vie, je vais pas avancer en squattant les recoins de ma ville. Je suis qu'un gosse pessimiste, carrément défaitiste, je fais l'homme battant alors que souvent mes bras je les baisse. Les jaloux je les baise, mes proches je les blesse. Je contemple pas le bonheur car le malheur je lui fais la bise. Toujours à mes côtés, il fait partie de mon équipe et ses limites si je l'emmène pas en concert pour faire mes bacs. J'ai le cancer de la vie, t'as bien capté, de ma vie, du passé et du présent, donc au final j'ai le cancer de l'avenir. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de la chute. J'ai trop peur de mes potes, ça peut devenir des grosses putes, putain, trop loin du but. Putain, mon moral fait le tapin. On est tout petit dans ce monde comme des lutins. Au fond, je m'en branle du butin. Je veux juste aller mieux dans ma vie. Mais même pour ça, j'y crois pas, mon ami, non. Yeah, j'ai le cancer de la vie. Tout me dégoûte, donc je m'en tape de mon avenir, hein. Yeah, jour et nuit, j'y pense. Je veux tout lâcher, mais à quoi ça me servirait? Yeah. Ok, défaitiste à mort, j'ai mis le moral au placard le temps du saut mort. Yeah, faut que je m'en sorte, je m'enfonce, comme le dit mon frère, faut que je fonce. Yeah. J'avance sur une route de merde, avec un taf de merde, avec des potes de merde, avec une famille de merde. Mon pote, depuis la mort de ma mère, avec mon frère, on a nagé dans la merde et c'est devenu banal. Ok, je mate mon entourage, je suis entouré de pédales. Chaque jour quelqu'un me déçoit et au final ça fait mal. Ok, j'ai le cancer de la vie, j'ai perdu trop de mes proches et tous les jours je mate, s'il y a pas un type réglo au fond de mes poches. Je les compte même pas avec ma main, je les compte avec ma bite et ça me fait plus qu'un choix parmi de tous les parasites. J'ai fait trop de mauvais choix dans ma vie que je regrette. Je bats dans le passé, j'ai l'impression d'avoir tout fait de grave. Au final tout me gave, j'avance avec le mal de vivre dans un monde de merde. Merde, putain j'en bave, j'ai le cancer de la vie. J'ai l'impression que je m'enfonce petit à petit. J'ai trop peur, je sais pas comment je vais finir. Y'a sûrement une couille quelque part. J'suis né avec le mal de vivre et le désespoir. Ok, dans ma tête c'est la pagaille, dans ma vie c'est le foutoir. Mes seuls espoirs ont fini à l'abattoir. J'vis en plein cauchemar, ma vie je la vois en blanc et en noir. J'rêve d'une autre histoire car la vie m'en a fait trop voir. La galère j'en ai fait le tour, j'en ai déjà trop marre. J'espère que la solution de mes problèmes n'est pas la mort, non. Yeah, j'ai le cancer de la vie, tout me dégoûte donc j'm'en tape de mon avenir, hein. Yeah, jour et nuit j'y pense, je veux tout lâcher, mais à quoi ça me servirait? Yeah. Ok, défaitiste à mort, j'ai mis le moral au placard le temps du saut mort. Yeah, faut que je m'en sorte, je m'enfonce, comme le dit mon frère, faut que je fonce. Yeah. Ok, un. Scribe. Yeah. J'ai le cancer de la vie, tout me dégoûte donc je m'en tape de mon avenir, hein. J'ai le cancer de la vie, ok, hein. Yeah, jour et nuit j'y pense, je veux tout lâcher, mais à quoi ça me servirait? Yeah, hein. Je veux tout lâcher, hein. Mais à quoi ça me servirait, ok. Ok, défaitiste à mort, j'ai mis le moral au placard le temps du saut mort. Du saut mort, hein. Défaitiste à mort, c'est comme ça que je suis, ok, hein. Yeah, faut que je m'en sorte, je m'enfonce, comme le dit mon frère, faut que je fonce, yeah. Ok, un. Un. Scribe. Cancer de la vie, ok.